Les petites histoires de Tell Me. Plutôt sourire que grandir. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai eu 8 ans. J'aurais dû être super content. Maman avait invité tous mes copains. En plus, elle avait fait un gâteau avec la tête de mon super-héros préféré dessus. Sauf que ça ne m'a pas fait plaisir. Ni le gâteau, ni de voir les copains. Pour eux, être grand, c'est super. Sauf qu'en fait, être grand, c'est nul, et triste, et pas marrant. Les grands, ils ne sourient jamais. Même au parc, ils sont tout gris. C'est une expression de mon papy quand il voit des gens faire la tête. Avec lui, on a une théorie. On pense que c'est à cause des téléphones. Dès qu'ils les allument, leurs visages s'éteignent. Comme si le téléphone engloutissait leur sourire. Mais même sans téléphone, les grands ont l'air souvent grincheux. Papy pense qu'ils doivent avoir des soucis. Il paraît que certains grands les collectionnent. Bizarre, non? Après ma fête d'anniversaire, je devais faire une drôle de tête parce que maman m'a demandé « Ta fête d'anniversaire ne t'a pas plu, mon lapin ?» J'avais pas envie de lui mentir, alors j'ai dit la vérité. « Un peu, mais je veux plus grandir. J'ai pas envie de perdre mon sourire, moi. »« Pourquoi tu perdrais ton sourire ?»« Parce que les grands, ça sourit pas. Même toi, t'as perdu ton sourire depuis que papa est plus là. » Elle m'a souri. Mais son sourire était encore plus triste que ceux de tous les grands réunis. J'avais jamais vu ça. Je lui ai fait un énorme câlin, mais dans ma tête, je continuais à me dire que c'était vraiment nul d'être grand. Aujourd'hui, j'ai 8 ans et un jour. On est dimanche. Et le dimanche, c'est le jour de notre promenade avec papy. J'adore me balader avec lui. Il a toujours des tas de choses à me raconter. Mais le mieux, c'est quand on s'assoit au parc et qu'on imagine des tas de trucs en regardant les gens. Sur le chemin, on passe toujours à la boulangerie pour acheter des bonbons. Cette fois-ci, j'ai demandé des réglisses, comme papy. Je sais, c'est un peu des bonbons de grand, mais j'aime trop leur goût. Attention, ça ne veut pas dire que je veux devenir grand. Je n'en ai toujours pas envie. Quand j'ai donné à la boulangère la monnaie tout pile, elle m'a dit « Merci, mon grand ». J'ai pas aimé du tout. J'étais tellement en colère que j'ai boudé jusqu'à ce qu'on s'asseye sur notre banc au parc. Sans rien se dire, on a boulotté nos réglisses. Mais à un moment, papy a été pris d'un fou rire, si contagieux qu'il a presque réussi à me faire sourire alors que je préférais faire la tête. Quand j'avais ton âge, j'étais comme toi. Je voulais pas grandir. Je trouvais que les grands étaient aigris. Mon envie de bouder a été coupée net. Tu veux dire tout gris, non? Non, aigris. Ça veut dire qu'ils sont aigres, un peu comme un cornichon au vinaigre. J'ai explosé de rire en imaginant tous les adultes ronchons avec des têtes de cornichons. Papy est vraiment trop fort pour faire sourire les gens. Alors je lui ai demandé « Papy, comment tu fais pour ne pas être aigri comme un cornichon ?»« Je me concentre sur des petites choses qui me donnent le sourire. » « Comment ça ?»« Ben par exemple, ce parc. J'y venais moi aussi, avec mon papy, et j'aimais beaucoup. »« C'est pour ça que t'aimes venir avec moi ?» Oui, et c'est pareil pour les réglisses. Quand j'en mange, ça me rappelle des tas de souvenirs agréables, comme l'odeur du pain chaud ou celle des livres. On a tous des petites choses qui nous donnent tout de suite envie de sourire. J'ai froncé très fort les sourcils en me tapotant la tête pour découvrir mes souvenirs à sourire. Sauf que les mots de la boulangère tournaient en boucle dans ma tête. Ça marche pas, c'est nul. Mais mon papy ne s'est pas découragé. Je vais te donner ma technique secrète en cas d'urgence. Regarde autour de toi pour attraper des petits trucs qui te font sourire. Il est vraiment trop fort, mon papy. Il m'a aidé à trouver ces petits trucs, et ça a marché. Mais le mieux, c'est qu'en cherchant, j'ai vu des grands qui souriaient. Peut-être qu'eux aussi, ils ont un papy qui leur a transmis sa technique secrète. Maintenant, je dis pas que je suis pressé de grandir. Mais je crois que j'ai un peu hâte de fêter mes 9 ans. C'était une petite histoire de Tell Me. Écrite par Cécile Rubin et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir.